Hors Champ, le podcast culture de l'EJT. I am the danger. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hors Champ, le podcast culture des étudiants de l'EJT. Au programme aujourd'hui de la musique, avec la disparition du grand Charles Dumont, mais aussi de la sortie du nouvel album de Damso, J'ai menti, qui fera l'objet d'une discussion. La deuxième partie du podcast sera dédiée au cinéma, avec la fameuse chronique sans langue de bois et la carte blanche. Et restez avec nous jusqu'à la fin pour savoir les sorties culturelles à venir. Les chroniqueurs de la semaine, Elsa, Lucille, Daniel, Guizane, Elsa, Eymen, Pénélope et Marion sont prêts. La régie avec Lina aussi. Alors embarquez avec nous dans le monde de la culture. À vos micros, 1, 2, 3, ça tourne! On commence cet épisode avec le Flash Info Culturel. Alors Elsa, dis-nous, quelles sont les grandes actualités de la semaine ? Et pour commencer, la fin d'un monument. Auteur-compositeur de renom, Charles Dumont est mort dans la nuit du 17 au 18 novembre à l'âge de 95 ans. Si son nom est invariablement lié à celui d'Édith Piaf avec sa chanson « Non, je ne regrette rien », il a également connu une carrière personnelle en tant que chanteur et compositeur pour d'autres artistes et même des musiques de films. Sa vie, son œuvre, Lucille reviendra sur son histoire juste après ce flash info. Et le monde de la culture perd un autre monument, n'est-ce pas Elsa ? Bernadette Després. Si ce nom ne vous dit rien, elle a pourtant bercé votre enfance. La dessinatrice du dessin animé Tom Tom et Nana est décédée mercredi 20 novembre à l'âge de 83 ans. Elle a enchanté plusieurs générations avec la série et les livres, qui se sont vendus à plus de 16 millions d'exemplaires. On ne pensait pas du tout que ça ferait un tel succès, confiait-elle en 2019 à France Info. Si vous ne vous en souvenez pas, Tom Tom et Nana, c'était ça. Et parfois, la culture côtoie la justice. On vous en parlait il y a deux semaines, Kamel Daoud a reçu le 4 novembre dernier le prix Goncourt 2024 pour son livre « Ouris ». L'écrivain fait aujourd'hui l'objet avec sa femme de deux plaintes qui ont été déposées en Algérie. Ils sont accusés d'avoir utilisé et dévoilé dans le roman l'histoire d'une patiente que son épouse, qui est psychiatre, a eue en consultation sans en demander l'autorisation. L'auteur franco-algérien n'a pas encore répondu à ces accusations. Bon, ce n'est pas très joyeux tout ça. Rien de positif dans l'actu culturel. Et si Juliette, on va même mettre un petit peu d'ambiance avec un petit peu de musique. Ça y est, la bande-annonce du documentaire Beatles 64 qui sortira sur Disney+ le 29 novembre prochain est disponible. Réalisé par Martin Scorsese, qui fêtait ses 82 ans dimanche dernier, le film retrace le voyage des quatre garçons dans le vent aux États-Unis en 1964, à travers des images inédites et des interviews exclusives des membres du groupe. Et pour finir, nous célébrons un anniversaire. Joyeux anniversaire au manga Dragon Ball qui fête ses 40 ans et qui séduit toujours autant petits et grands. C'est le 20 novembre 1984 que les premières aventures de Goku ont été commercialisées dans une revue japonaise. Depuis, ce sont 42 volumes imprimés, 260 millions d'exemplaires vendus dans le monde et de nombreuses adaptations, notamment à la télé, au cinéma et même en jeux vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Flash Info. D'ici là, sayonara! Merci Elsa pour ce Flash Info et maintenant place au dossier avec Lucille qui revient sur la disparition du grand Charles Dumont. Alors, que peux-tu nous dire sur ce grand nom de la chanson française ? Eh oui, effectivement, cette semaine, on s'intéresse à Charles Dumont et les grands compositeurs, parfois dans l'ombre des chanteurs qu'ils ont révélés. Charles Dumont, connu pour avoir composé « Non, je ne regrette rien » d'Édith Piaf, est un auteur-compositeur-interprète. Il a longtemps été compositeur de l'ombre pour ensuite devenir à son tour chanteur à succès. Il est né en 1929 à Cahors et dès son plus jeune âge, il voue une passion pour la trompette. Il monte à Paris après la guerre pour sa carrière, mais il subit une opération des amygdales qui le force à abandonner l'instrument. Il se tourne alors vers le piano pour continuer à vivre de la musique. À ce moment-là, il est musicien, ce qu'on appelle les musiciens routiniers, ce qui signifie qu'il joue dans les restaurants, dans les cafés, dans les cabarets. Et à quel moment sa carrière va-t-elle prendre de l'ampleur ? En 1950, il rencontre Michel Vauquer, un poète littéraire, qui lui donne ses textes pour accompagner le piano. De là, naît une collaboration entre les deux hommes. Il compose alors pour Tino Rossi ou encore Dalida. Le décollage de sa carrière se fait en 1960 avec le titre « Non, je ne regrette rien » d'Édith Piaf, qu'il coécrit avec Michel Vauquer et qui le propulse au sommet de sa carrière de compositeur. Pourtant, ce n'était pas gagné. En effet, la chanson n'aurait jamais dû voir le jour. Le 5 octobre 1960, Michel Vauquer et Charles Dumont obtiennent un rendez-vous au domicile parisien de la chanteuse qui, à ce moment-là, est très mal en point. Ils se présentent avec un titre qu'ils ont taillé sur mesure pour elle. Seulement, Piaf l'a déjà rejeté à 3 reprises car elle le trouve auto-caricatural. Pourtant, Dumont tente une dernière fois sa chance en interprétant au piano « Non, je ne regrette rien » et coup de théâtre, cette fois-ci, elle entend la chanson et elle l'adore. C'est d'ailleurs la chanson qu'elle a choisi d'interpréter pour son retour sur scène le 29 décembre 1960 à l'Olympia. « Non, je ne regrette rien » a marqué le début d'une collaboration entre La Môme et le duo Vauquer-Dumont avec d'autres chansons comme « Mon Dieu » ou « Les flonflons du bal ». Au cours des années 1960, Charles Dumont collabore avec de nombreux autres artistes tels que Jacques Brel. Il travaille également pour la télé et le cinéma. En parallèle, il commence une carrière personnelle et sort son premier titre intitulé « Une chanson » en 1976. L'amour et les femmes sont au cœur de ses compositions, comme dans les chansons « Les amours impossibles »,« Toi, la femme mariée » ou encore « La cigarette après l'amour ». Charles Dumont est décédé la nuit du 17 au 18 novembre 2024 à Paris, à l'âge de 95 ans. Je finis ma chronique avec une de ses chansons, intitulée « Une chanson », bel hommage pour cet homme qui leur a consacré toute sa vie. Une chanson, c'est peu de choses, une chanson. Mais dis-moi ce que nous ferions s'il n'y avait plus de chanson. Merci beaucoup Lucille pour ce bel hommage rendu à ce grand homme de la chanson française. On poursuit ce dossier avec notre zoom du jour. Dans le monde de la musique, ceux qui soulèvent souvent les trophées sont les artistes, mais beaucoup plus rarement les producteurs. Daniel, aujourd'hui, tu nous proposes un tour d'horizon de ces grands producteurs qui sont tombés dans l'oubli. Peux-tu nous en parler plus en détail ? Eh oui, les producteurs, comme on les appelle, sont pourtant bien plus importants que l'on croit. Par exemple, si je vous fais écouter ça... Vous allez tous me dire « Ah, mais c'est Nirvana, comme As You Are !» Mais est-ce que vous connaissez Butch Vig ? Eh bien, c'est lui qui a produit cette fameuse mélodie. Il a d'ailleurs produit pour Green Day et Foo Fighters. En 2012, il est classé par le média américain NME comme le 9e meilleur plus grand producteur de tous les temps. Et en France, a-t-on de gros producteurs aussi ? Bien sûr, si je vous parle de Fred Rister, bon, j'imagine que personne ne connaît, et pourtant, il a produit de nombreuses musiques pour David Guetta. Allez, je vous fais plaisir, je vous propose d'écouter une de ses meilleures productions. Toujours dans le monde de l'électro, mais aussi du rap, on a également des pépites qui ont marqué le monde. DJ Mehdi, ça vous dit quelque chose ? C'est l'un des plus grands beatmakers du rap français. Il a produit pour Daft Punk, Cassius, Justice, Kerry James, Rof et Booba. C'est d'ailleurs lui qui a produit ce titre iconique et générationnel, Tonton du Bled. Il y mêle les sonorités maghrébines et celles du rap. Allez, je vous régale. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. Si vous voulez en savoir plus sur sa vie, je vous invite à regarder le documentaire DJ Mehdi, Made in France, disponible sur Arte. Merci beaucoup Daniel pour ce tour d'horizon des grands producteurs de l'ombre. S'il en est bien un qui n'est pas dans l'ombre, c'est Damso, qui vient de sortir un nouvel album surprise le 15 novembre dernier, J'ai menti. Alors qu'il avait à l'origine annoncé sortir le dernier album de sa carrière le 30 mai prochain. Pour en parler, place à une discussion entre Elsa et Guizane. Alors, ce nouvel album, est-ce une bonne surprise pour vous ? Alors oui, pour moi c'est une bonne surprise, j'ai adoré franchement. On en apprend plus sur Damso, il se livre plus, les rythmes ils sont plus variés et changent du Damso qu'on connaît. Il y a beaucoup d'internautes justement qui n'ont pas aimé parce que justement c'était trop différent de son univers de base. Mais pour moi, cela n'a pas été un problème. Au contraire, je pense que la force d'un artiste, c'est de savoir se renouveler. Bon, et bien, pour ma part, je ne vais pas vous le cacher, je suis loin d'être la fan numéro 1 du rappeur belge. Quoi qu'il en soit, n'ayant entendu que du bien de cet album, que ce soit dans la bouche d'autres étudiants ou à la radio, et ayant, je l'avoue, apprécié les quelques extraits que j'avais pu entendre ici et là, je partais plutôt optimiste. Je ne peux vous cacher que, surprise, il y a eu, mais qu'elle ne fut guère bonne. Avec un tel titre, J'ai menti, Il y a de quoi s'attendre à une introspection, une forme d'aveu ou au moins un mea culpa. Or, il n'en est rien. Ni les textes ni la musique ne sont novateurs. Et pour tout vous avouer, je ne m'attendais pas à grand-chose, mais j'ai quand même été déçue. Je suis pas du tout d'accord. Les sons, ils sont globalement plus posés, plus musicales, voire très très calmes, comme dans La rue est morte. Le cohabiteur dans ce monde. La rue est morte. Donc il alterne entre rap et balade, ce n'est plus du tout le même Dapso d'Ipséité sur Mosaïque Solitaire par exemple. Elle manque de respect à ta famille. Une seule erreur et t'as plus de followers. Donc je fais ce que j'aime, non pas ce qu'on me dit. Je suis toujours debout, tombé des nuits. Vu du ciel, l'enfer est comme le paradis. Il nous étale aussi ses origines congolaises, même si ce n'est pas forcément une nouveauté, mais il reste dans ce chemin plus musical, comme dans son feat avec Kalash Criminel, Limbiza Ngay, tous deux originaires de la République démocratique du Congo, où ils chantent en lingala. Viens, on va dans la cage, pas pour marquer des... Et oui, c'est vrai, Damso s'est essayé au chata avec le rappeur martiniquais Kalash, ce qu'il fait, disons, dévier de ses morceaux habituels. Quoi qu'il en soit, cet album n'est à mon sens absolument pas novateur, dans le sens où les thèmes abordés sont les mêmes. On retrouve sa réussite, son travail et ses sacrifices qu'il étale sur la place publique, l'argent qu'il a accumulé et qui lui confère une supériorité tout à fait fantasmée. Et puis évidemment, il y a aussi les femmes, sujet central. Il oscille entre mépris absolu et positionnement de victime face aux méchantes femmes manipulatrices qui ne savent visiblement pas l'apprécier à sa juste valeur. Ouais, mais s'il était vraiment comme ça, il n'aurait pas de feat avec Angèle. Je pense que c'est avant tout un personnage. Et puis je trouve qu'au fil du temps, Damso, il est de plus en plus dans le repentir. Si on regarde l'évolution de ses albums, il va dans un chemin inverse. Il ne se met plus en avant et regrette ses actions passées. Et là, clairement, dans 24 heures plus tôt, il explique qu'il n'aime pas sa vie. On n'est plus du tout sur un Damso qui cherche à se vanter de ses dernières conquêtes et à descendre les femmes. Merde, je sais même plus pourquoi j'existe. Quand je le saurai, je ne serai plus là. Arrêtez de me dire que je deviens dépressif. Quand je le saurai, je ne serai plus. En effet, il fait l'illusion de la démarche d'excuse. Dans le morceau « Schéma », il fait un pseudo mea culpa en parlant de la répétition des modèles toxiques avec les femmes et se demande s'il n'est pas le problème. Eh bien, moi, j'ai envie de lui répondre, à 32 ans, il était temps de s'en rendre compte. Sans compter que la remise en question ne dure qu'un morceau, dès le suivant, il se place de nouveau en victime des femmes toxiques. Je pense qu'il ne faut pas trop inverser les rôles non plus. J'ai aussi été déçue de ne pas l'entendre faire ce à quoi il est bon, c'est-à-dire rapper, et rapper vite comme il a su le faire sur des morceaux tels que Feu de bois. C'était vraiment décevant. Eh bien, merci beaucoup les filles pour cette discussion du moins enrichissante. Si vous aussi vous souhaitez vous faire votre propre avis, l'album est disponible sur toutes les plateformes. La chronique sans langue de bois. Ayman, cette semaine, tu nous parles d'une déception et d'un coup de cœur. Oui, deux films en salle cette semaine, on va commencer par la déception évidemment. Vous en avez tous entendu parler, c'est Gladiator, deuxième volet. C'est donc 24 ans après que Ridley Scott sort une suite à son premier péplum, genre désormais porté disparu et reconnu unanimement à l'époque comme le chef-d'œuvre du réalisateur britannique. Mais ce deuxième volet est plus que moyen. Pour vous remettre en contexte, Maximus est décédé à la fin du premier volet. Place donc à son fils Lucius, interprété par un excellent Paul Mescal qu'on avait découvert dans Normal People et qui apporte une vraie fraîcheur à ce film. Notre fils d'esclave va, comme son père et son oncle avant lui, devenir gladiateur. Tout ce qui l'entoure, en revanche, n'est que superficiel. Les plans ne nous permettent pas d'admirer les décors surchargés de détails d'un film trop lourd où tout va trop vite. Je vais citer le très juste Matteo Maestrachi. Les influenceurs qui ont pris les goodies, le popcorn et le Sprite offert au Grand Rex une heure après la projection nous disaient « Quelle épopée incroyable, le meilleur film de l'histoire du cinéma ». La vraie critique, elle, estime qu'avec ses singes mutants et ses effets dégueux, le film aurait pu être un navet passable. Cruel avec Ridley Scott, mais j'ai cru comprendre que tu es tombé amoureux de Demi Moore, mais surtout d'une réalisatrice française, Coralie Farja. Oui, une superbe découverte, Juliette, c'est le film The Substance de la française Coralie Farja, jusque-là inconnue du public. L'intrigue nous emmène dans la vie d'une actrice américaine qui a passé la cinquantaine, se voit virée par son producteur. Elle utilise alors un produit qui lui permet de se dédoubler en une femme plus jeune, au corps et aux formes parfaites. S'ensuit alors un thriller aussi gore que malaisant, porté par les formidables Demi Moore et Margaret Qualley, où le sang coule par litres entiers, non que dis-je, par cuves entières, au point où l'on ne voit plus que ça. Le film en fait de trop, dans un excès permanent de folie, de gros plans malaisants sur les corps, sur ses fesses qui se périment. Un film unanimement salué et qui s'impose déjà comme le film de science-fiction de l'année. Merci beaucoup Ayman pour cette chronique sans langue de bois où pour une fois tu dis autant de bien que de mal des films. Carte blanche. Après cette chronique manichéenne, et si vous cherchez un film un peu moins exposé par la critique, Pénélope, pour sa carte blanche, nous parle de Juré numéro 2. Et oui, le film Juré numéro 2 est sorti en salle le 30 octobre dernier. Dernier film de Clint Eastwood, qui a entre autres réalisé American Sniper, Le Bon, La Brute et le Truand, ou encore Invictus, et à mon sens, à voir. Et alors, de quoi parle le film ? Eh bien, le film raconte l'histoire d'un homme américain qui se retrouve juré d'office à un procès pour meurtre. Jusque-là, tout va bien. Les souvenirs se bousculent et les images d'une nuit pluvieuse réapparaissent. Il découvre en réalité qu'il est à l'origine de ce crime. L'homme se retrouve alors face à un dilemme moral entre se protéger, et donc se taire, ou se livrer et ne pas faire condamner un innocent. Pendant 1h54, on est face au tiraillement du personnage, ses sueurs froides, ses insomnies. Brillamment incarné par Nicolas Hoult, l'homme se retrouve face à un changement de sa vie. Sa femme, incarnée par Zoé Deutsch, va accoucher de leur premier enfant après une grossesse difficile. Et alors, qu'as-tu aimé dans ce film, Pénélope ? Eh bien, j'ai été surprise de ne pas entendre parler davantage de ce film. Il faut dire qu'il est assez psychologique, avec des scènes qui peuvent paraître longues, beaucoup de dialogues, notamment lors des scènes du procès de l'accusé, qui, je le rappelle, est un accusé à tort. Ce n'est pas un film à suspense classique. On sait dès le début qui est l'auteur du crime et qui est innocent. L'intrigue est donc différente des films vus et revus, des thrillers de justice habituels. Ce qui m'a plu en réalité, c'est le suspense qui dure jusqu'à la dernière seconde. On est pris avec le personnage dans ce tourbillon moral qui fonctionne. À la fin du film, on se demande qu'est-ce qu'on aurait fait à la place du protagoniste si nous, on se serait livrés à la justice. Merci beaucoup Pénélope pour la présentation de ce film qui est en salle au Pathé Wilson de Toulouse avec 4 séances par jour. L'agenda culturel. Et c'est au tour de notre habituel agenda culturel. Marion, que peut-on faire cette semaine sur Toulouse ? Cette semaine, dans l'agenda culturel, les sorties se bousculent. Dès vendredi, le Zénith ouvre la saison de Noël avec le fameux ballet et orchestre Casse-Noisette de Tchaïkovski. Vous pouvez retrouver la petite Macha au pied du sapin et replonger dans ce conte qui a sûrement bercé votre enfance. L'Opéra National du Capitole présente Voyage d'automne du compositeur français Bruno Mantovani, un opéra en 3 actes. Il se déroule en automne 1941, où 5 célébrités littéraires françaises sont conviées par le régime nazi au congrès des écrivains de Weimar. Retrouvez-le pour 4 dates, entre le 22 et 28 novembre. Eh bien, c'est bien sombre tout ça. Y a-t-il des sorties plus légères pour ce week-end ? Oui, ne t'inquiète pas. Au théâtre de l'Aria, on peut rire devant Olécoeur, une comédie qui reprend l'itinéraire d'une petite fille à qui l'on prédit un destin extraordinaire et qui grandit avec cette conviction. On passe ensuite à un tout autre registre avec le marché de créateurs organisé par l'association Fémin 31. Vous pourrez y braver le vent et découvrir des objets déco, des bijoux, des céramiques et des illustrations en tout genre. Et tout ça à partir de 10h dimanche jusqu'à 19h à la piste des Géants. Et dimanche soir, vous pouvez foncer vers un interlude musical où l'un de nos chroniqueurs, Zoltan, performe lors d'un concert autour du chant choral dans le cadre de la saison de la Lituanie en France 2024 à la Hallograin à 19h. Et côté ciné alors ? Figure-toi que dès le lundi 25 novembre commence Synchro. C'est un festival de ciné-concerts qui se déroule jusqu'au 15 décembre. Ce festival est consacré au cinéma muet et au ciné-concert. Si d'habitude il se déroule à la Cinémathèque de Toulouse, celle-ci étant en travaux, les projections se déroulent dans une 30aine de lieux différents. Vous y retrouverez Le Dictateur de Charlie Chaplin ou encore Faust de Friedrich Wilhelm Murnau, ainsi que des approches musicales très différentes allant de l'orgue à l'électro. On termine cet agenda culturel par une sortie cette fois festive. Mercredi 27 novembre, c'est la 3e et dernière nocturne du marché Victor Hugo de l'année. De 18h30 à 22h30 environ, vous pourrez vous amuser dans une ambiance conviviale autour de produits locaux sur un fond musical qui vous fera danser. Petit conseil, arrivez tôt car une fois le quota de personnes atteint, l'accès y est impossible. Et je vous le dis, ça vaut le coup. Et voilà, c'est la fin de notre épisode. On espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné envie de vous plonger un peu plus encore dans le riche monde de la culture. Toute l'équipe d'Orchamps se joint à moi pour vous remercier de votre fidélité et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, couvrez-vous bien et continuez à soutenir le monde de la culture.